hop hop hop. Hey. On se souvient ou pas? Quand les négros n'étaient pas à la mode. Hein? Ne pas faire deux pas sans compter des visages. Impossible si y'a une blonde, même avec un défrisage. Vas-y, ami. Ah ouais, mon vieux. Le deux os. Oh. Avant Michael Jackson et l'arrivée de la drogue, je me souviens quand les négros n'étaient pas à la mode. Pareil qu'on puait, qu'on était pauvres, le zen est passé. Je me souviens des Yankees coke, le zen éclaté. À 10 ans j'avais, je suis ce qu'ils appellent un vandale. Un peu plus tard comme Joe Star, je serai un boss en scandale. 14 ans, mon premier joint, ma première foufoune. 20 ans, je suis en prison, mais allez, la route tourne. Je me souviens du mitard, de ceux qui s'ouvraient les veines. Des manouches, des beurres, des corps, c'est des rétales. Mental, irritation, mon héritage. Le cœur vide, les cojones pleines. Le futur nique sa mère, pourvu que ça paye en espèces. Bah ouais. Mon premier bolide, R19, 16 soupapes. Course poursuite avec les keufs, plaide coupable. Ma première vitrine, ma première victime. Destinée, mon premier hit, single, Desert Eagle. Je me souviens de l'allée du forum, comme si c'était hier. Quand y'avait d'or, sali la dinde, que Yahya faisait pas la prière. Tu voulais test, parlais pas, on te massacre. T'aurais des flashs de quelques haches, quelques macaques. Aujourd'hui, beaucoup parlent de la street. J'ai fait ci, j'ai fait ça, ouais c'est ça. MC, sincèrement, tu fais pas le poids. T'as jamais brillé avant de sortir un disque, nous on se rappelle pas de toi. Souviens-tu ta première gifle, ta première casquette, ton premier jugement. Aller-retour en boîte, en taxi, basket. Ton premier KO, premier 16 à l'assaut des ondes hertziennes. Ta première go, ta première chienne. Ta première vodka, ta première rodka, ta première Heineken. Kennedy, B2O, sincèrement tu fais pas le poids. T'as jamais brillé avant de sortir un disque, nous on se rappelle pas de toi. Je me souviens mon premier Lacoste, quand toute la France dansait le Mia comme Akhenaton. Je passe mon temps à me bagarrer à l'époque, parce que le soir mon daron cognait ma daronne. Se prenait pour Mike Tyson. 12 piges, roule spliff, la vie a un goût de pisse. 16 ans, la rue a remplacé mes parents. Capuche sur la tête, je traîne dans les rues du 9-4, je souris jamais. La vie m'a mis des grosses claques. Je me souviens la Capri Mafia, Mansa, Lasna, Yeezy l'escroc m'a fait croquer des scalpas. Entre bagarre et gardave, la vie a fait de moi une caïa. J'ai eu un flingue avant d'avoir un portable. Oh, j'ai vu la drogue ravager le quartier. 18 ans cette année, trois potes à moi se sont fait canner. Comme chaque razouz est né, négro. J'ai l'instinct de survie dans le ghetto. Au lycée, les surveillants viennent me voir pour pécho du popo. Prends ton shit et casse-toi, polo. Entre poids, c'est galère, sa mère. Des mains faites pour l'or et elles sont dans la merde.